cœur d'heure, 187, 130 000 en petite coupure, compteur bloqué sur la A7, intérieur, cœur de vachette, au courant de tes faits et gestes, on quadrille, on fait pas un bruit, pas le temps pour la comédie, t'es solvable, on te donne un prix, drogue blanc, ton sur ton, longue veste comme dans les feuilletons, des bonnets trouvés dans un vito, et je suis de Niro Don Vito, vainqueur, crime organisé, association de malfaiteurs, t'as chanté comme si tu m'avais fait. Personne va te donner l'air. Toute la nuit dans la gauve, on vise avec des lasers. À son propre argent sale, tout à j'ai rempli mon sac. J'ai des soucis, j'ai du goya, des pare-balles dans mes couverts. Car sur les sacs, c'est du crack. Longtemps qu'on agresse, reste très que je l'appelle baby. Et on fait tomber la neige, tout à j'ai rempli mon sac. Y'a des morts à chaque saison, et j'ai trop de rêves. Une R, c'est pas la peine, j'intertonne et je colle des chargeurs. Y'a plus d'âme et y'a plus de cœur. 607 comme le GIGN, lunettes noires, putain j'arrive des ténèbres. Du bon ou du mauvais côté du pays, fantôme dans la fanta. Si on t'arrache, nous y'a pas l'ADN. M4, j'mets en travers le BM, basta. J'en ai ça sans pollen, comme Blade. J'vis du côté PM, grande taille, comme si j'suis du domaine. Strangue, façon quand je la baise, minimum 0,8 quand je passe. Y'a du sang, j'vais lui écrire un poème. Stratège, on fait tomber la neige. Marseille, j'y vais LIVS, Waran, j'fume à Havane, j'ai déjà mis à l'abri ma terre, si j'paie, du Hermès à madame. Toute la nuit dans la gauve, on te vise avec des lasers, à son propre argent sale, putain j'ai rempli mon sac, j'ai des soucis.